ses chaînes. Si le vent souffle fort, si la barque que t'entraîne n'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne n'aie pas peur de la mort, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Je dis bien ne sois pas sur l'autre bord, il est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Allons sur l'autre bord, ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit bord, viens avec lui et allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le soupir après ta gloire, oh viens nous saisir. que ce que j'ai connu. Oui, attire-moi, Seigneur Jésus. Attire-moi bien plus près de toi, plus que ce que j'ai connu. Oui, attire-moi, Seigneur. Plus que ce que j'ai connu. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi. Viens plus près de toi. Plus que ce que j'ai connu. C'est dans tes bras, Seigneur, que je me réfugie. Alléluia. Pour t'adorer, je me prosterne à tes pieds, je me répands. Consume-moi ce qui ne te glorifie pas. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi bien plus près de toi. Plus que ce que j'ai connu. Oui, attire-moi, Seigneur. Attire-moi plus près. Viens plus près de toi. Plus près de toi. Plus que ce que j'ai connu. Oui, attire-moi, Seigneur Jésus. Attire-moi plus près. Viens plus près de toi. Plus près de toi. Que ce que j'ai connu. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans. Prends-moi dans tes bras, Seigneur Jésus. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, dans ce lieu secret, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Seigneur. Dans ce lieu secret. Dans ce lieu secret. Et seul dans ta présence. Seul dans tu ta me transformes, présence, Jésus. Je à ton serai image. Transformé. De gloire en gloire. Puis prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes Tiens-moi bras. Tiens-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes Alléluia. Bras. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Dans ce lieu secret, seul dans ta présence, je serai transformé. Prends-moi dans tes bras. Tiens-moi

Elle me guérit. Elle me guérit. Elle me guérit. Elle me guérit. Elle me guérit. Dis-le. Elle me guérit. Encore. Elle me guérit. Elle me guérit. Dis-le. Elle me guérit. Elle me guérit. Elle me guérit. Encore. Elle me guérit. Elle me transforme. Elle me transforme. Elle me transforme. Elle me transforme. Ce nom qui nous a racheté, ce nom qui nous a sauvé, Roland te bénit encore. Sagrada entends-le de tout mon cœur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je